Sur la route, canque 205, péta, fin de péta, prends ma rouste entre deux enceintes, péta. On la roule, la savonnette, coupée au Pirelli. Quand la quatrième technologique regroupe vos Pirelli, on la route, monsieur Hermie, stigmatiste crasse. Si j'écrase la peur, mille stigmatiste crasse. Des crames, des crames, des trames, des crames, des crames, des crânes, braves et des braves et des braves et des braves et des crames. On a frôlé l'asile comme c'est pas mi père. Elle m'a frôlé l'asile comme c'est pas mi père. Ça s'agite au Lakers, elle me liche les boules. C'est l'époque de Magic au Lakers, elle me liche les boules. Elle s'abîme télécom, tapine télécom. On fait les hommes un tom-tom, on capite télécom. Les yeux micro dans les pinces de la vie. Oui, on joue à cruiser micro dans les princes de la ville. L'important c'était pas la chute, grand mais comment vite ça atterrit. C'est déjà quand la chute, je rends les commandes vite ça dérive. Des gâches, on mate la jute, son cœur ira au Lorea. C'est pas Joe à la jute, je cœur au Lorea. Maintenant ça rappe là, leur écrit leur bla bla. Fils de putain, pas de blague, ça fait cri cri pa pa. Fils de putain, vis sa poubelle par l'argent, lis sa poubelle par l'argent. Moi je t'ai parlé comme un enfant, tire sa poubelle par la jambe. Chaud, si si dealer, je vis les choses. Et si le tueur est un dealer, grand vivait chaud. Le virus ça t'a baissé, ça kick ça t'a blessé. On t'a pas rêvé, ça t'a baissé. Chaud, si si dealer, je vis les choses. Et si le tueur est un dealer, grand vivait chaud. Le virus ça t'a baissé, ça kick ça t'a blessé. On t'a pas rêvé, ça t'a baissé. Pigeon 95, génération de Scarla, nous sommes perdu Mélopel, Corsa démarra à la boussole. Norimel torsade, cap de taper de son crâne. Opel, Opinel, Forza, sur des pavés de 100 grammes. En célébrant sur l'illégal, on fuyait la rampe, on dérive. Dans l'écran, l'hooligan, essuyait les crampons des rives. Le foot est la prof, on voit quelques grands ponts de l'érime. Plus rien à foutre, et la prof, on lui glisse un crampon terrible. On s'est mis dans le rap, yep, ma série s'enjaille. Plus les disant ça, d'être ma série dans rail. Assez dream en live, le 16 fait briller l'auteur. Le président râle, mais je reste le bruit et l'odeur. Ouzbête, bombe. Saki hardcore, bouteille, alligator, bootleg, panique à bord, bouteille, nous a mis d'accord. Oser décollage comme à l'époque on maquettise. Oser bécollage, colla les clopes en paquet 10. Rappé, 10 gratté, kick face, mais gros vinyle. Il y avait big paquet, pim, nassé, l'orinil. J'taguais vite, grave les vite, lassé de nos vitrices. Lâche mes trises, larné vite, j'cassais vos vitrines. Chaud, si si dealer, j'vis les choses. Et si le tueur est un dealer, grand vivait chaud. Le virus a trappé, c'est ça kick, ça t'a blessé. On t'a pas rêvé, ça t'a baissé. Chaud. Si dealer, j'vis les choses. Et si le tueur est un dealer, grand vif et chaud. Le virus a trappé, c'est ça kick, ça t'a blessé. On t'a pas rêvé, ça t'a baissé.